Vous terminez à 18h? Hier aussi? Oui, hier aussi. J'ai terminé à 18h. Vous commencez toujours à 8h? Hier aussi? Oui, hier aussi. J'ai commencé à 8h. Vous dînez toujours au restaurant? Hier aussi? Oui, hier aussi, j'ai dîné au restaurant. Vous regardez toujours le journal télévisé? Hier aussi? Oui, hier aussi, j'ai regardé le journal télévisé. Vous terminez à 18h? Hier aussi? Oui, hier aussi. J'ai terminé à 18h.